comme une piaffe au masculin. Je voudrais pouvoir chanter le potin et vous remuer les intestins comme piaffe au masculin. Avec dans ma voix un seul mot, comme un bec fleuri de rameaux. Je voudrais vous guérir de vos maux, qu'enfin vous vous sentiez bons et beaux et bien. Ce serait là le vrai but atteint. Ce plateau presque olympien, avec mes pieds de sarrasin, je voudrais fouler comme un raisin vos cœurs, quand ruisselle un joli vin divin, à faire chanter vos lendemains. Rejoindre ton satin. Success Story, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain, 14h, 15h. D'ici là, prenez soin de vous. À 15h, le point de l'actualité qui vous sera présenté par notre ami Semelala Malani. Puis juste après, retrouvez Hicham et son équipe pour Hello Maroc. Et merci à Basma pour le côté technique, Hind pour la réalisation. C'était Nadia au micro. Le jour où tu m'as rencontré, c'était un jour triste à mourir, et je traînais dans mes pensées un chagrin à n'en plus finir. Mais hélas, suffit que tu viennes pour que j'oublie toutes mes peines. C'est merveilleux quand on est tous les deux, le bonheur nous surveille. C'est merveilleux quand on est amoureux, les beaux jours se réveillent. vie est peinte en bleu à grands coups de soleil. Puisque je t'aime et que tu m'aimes, c'est merveilleux. Nous passerons toute la vie à chanter un si grand amour. Pour une chanson si jolie, la vie n'a pas assez de jours. Et nous offrons une harmonie. Vous écoutez Chaîne Inter, il est 15h, le point de l'actualité. Bonjour, la Chambre des conseillers tiendra lundi prochain une séance plénière consacrée à la discussion de l'exposé du premier président de la Cour des comptes présenté le 6 mai dernier devant les deux chambres du Parlement sur les activités de la Cour des comptes et des cours régionales. La séance commencera à partir de 15h30. Les forces irakiennes tentent sur plusieurs fronts de faire reculer le groupe Daesh en attendant l'arrivée des 450 hommes supplémentaires envoyés par les États-Unis pour muscler la lutte contre ce groupe radical. Plusieurs opérations militaires sont en cours pour reconquérir les vastes territoires perdus il y a un an. Les Peshmerga, les forces de la région autonome kurde, avancent au sud et à l'ouest de la ville de Kirkuk dans le nord, aidés par des bombardements des avions irakiens et de la coalition internationale menée par les États-Unis, selon des responsables militaires. Et en Syrie, les rebelles non membres de Daesh ont infligé un nouveau revers au régime de Bachar al-Assad en s'emparant de larges parties d'une base aérienne de la province de As-Suwayda dans le sud, contrôlée par les forces de Damas. Le Parlement européen a joint sa voix au concert de pression exercé sur la FIFA secouée par un scandale de corruption sans précédent en appelant au départ immédiat de son président démissionnaire Joseph Blatter. Les eurodéputés ont voté à une très large majorité à main levée pour ce texte au ton vif à l'encontre de l'instance dirigeante du football mondial, préparé conjointement par les 7 groupes politiques de l'Assemblée réunis en session plénière à Strasbourg. Ils ont notamment demandé à l'organisation de choisir un président provisoire approprié pour remplacer immédiatement Joseph Blatter. Et puis le directeur de la communication de la FIFA a démissionné de ses fonctions avec effet immédiat, mais il continuera d'intervenir en tant que consultant auprès de l'organisation jusqu'à la fin de l'année. En Espagne, le Congrès des députés a approuvé un projet de loi portant sur l'octroi de la nationalité espagnole aux descendants des Juifs séfarades qui avaient été forcés à l'exil vers les terres ottomanes à l'époque de l'Inquisition en 1492. La loi permettra l'acquisition de la nationalité espagnole par les descendants des Juifs séfarades expulsés d'Espagne au XVe siècle sans la nécessité de renoncer à leur nationalité ou d'avoir une résidence en Espagne. Selon le texte qui avait été adopté auparavant par le Sénat, le demandeur de la nationalité espagnole devra payer une taxe de 100 euros. Les historiens estiment qu'au moins 200 000 juifs vivaient en Espagne avant 1492. Et pour terminer, l'acteur britannique Christopher Lee, qui a joué dans James Bond, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et incarné Dracula à l'écran, est décédé dimanche à l'âge de 93 ans. Ce géant du cinéma est mort à l'hôpital londonien de Chelsea et Westminster, où il avait été admis pour des problèmes respiratoires. Selon le Daily Telegraph, l'annonce de son décès a été différée à la demande de sa femme, qui a d'abord voulu avertir tous les membres de la famille, rapporte le quotidien britannique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous écoutez Chaîne Inter, il est 15h passé de 4 minutes. الله يبارك فيك دابا هاد التلفازه هادي ما فيهاش نظام بث رقمي والسينيال القديم ما غيبقاش خدام وغادي يجي في بلاصتو سينيال رقمي جديد وهاد المساله كتهم جميع الناس اللي التلفازات ديالهم ما مجهزينش بالنظام البث الرقمي الارضي TNT وفوقاش هادشي ابتداء من 17 يوليو واجي شوف لي التلفازه ديالي عاد مرحبا

People, les M People, bien sûr, c'est avec ça qu'on démarre cet après-midi. Merci de les apprécier sur les ondes de chaîne Inter. J'espère que ça se passe bien chez vous et j'espère bien sûr que la semaine se passe super bien et que ça roule. En tout cas, merci d'être fidèles à chaîne Inter et en tout cas, je souhaite encore une fois bon courage à ceux qui sont bien sûr en pleine période d'examen. On pense bien sûr et automatiquement à ceux qui ont les examens du baccalauréat et bien sûr, justement, l'année scolaire qui est presque finie, c'est la période des examens et c'est pile poil le moment de faire un bilan de l'édition 2015 de la caravane Orientation Carrefour. Bien sûr, une caravane qui sillonne les villes du Royaume du Maroc durant 6 bons mois. L'objectif tout simplement et surtout essentiel est de favoriser dans chaque escale 3 jours de contact et de débat entre jeunes, universitaires, acteurs de la formation et de l'orientation et surtout de l'emploi. Et je reçois cet après-midi Mustapha Faïk. Il est expert en orientation et il est surtout fondateur de la caravane Orientation Carrefour. Ça sera tout à l'heure à partir de 16h pour faire le bilan et surtout, encore une fois, profiter des conseils d'un expert en la matière. Et bien sûr, en cette fin d'année, il y a aussi les doctorants qui préparent leur soutenance et qui doivent aussi rédiger leur thèse. C'est une autre paire de manches. Et à ce propos, l'Université Mohamed V de Rabat et le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique, le CNRST, organisent la finale nationale du concours international Ma thèse en 180 secondes. Oui, vous avez bien entendu, Ma thèse en 180 secondes. Il s'agit là d'un concept inspiré du concours 3 Minutes Thesis. Donc, 15 doctorants de différentes disciplines représentant plusieurs universités nationales. Ils auront 3 minutes 180 secondes chacun pour convaincre un jury international de leur capacité à bien communiquer la science. Et ça se passe demain, vendredi 12 juin, à partir de 14h au siège, justement, du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique. Et pour nous en parler en détail, je reçois le professeur Aziz Ben Salah. Il est coordonnateur de l'événement. Et bien sûr, ça sera entre 16 et 17h avec Mustapha Al-Fayek. Et n'oublions pas, bien sûr, nos rubriques en fin de journée. Sakina Bouachelin avec sa chronique de l'environnement, le journal du design à 17h30. Et bien sûr, la prévention routière et les conseils livrés par Fayrouz, c'est à 17h15. Et bien sûr, je rappelle aussi qu'à partir de 17h30, on ira faire un petit tour du côté du Sénégal, à Dakar pour être précis. Et tout ça pour retrouver le rappeur marocain Hachneim. Rappelons, il a été couronné il y a quelques semaines au Maroc Music Awards. Et Mr. Hachneim participe à la 10e édition du festival Festa de H, le plus grand festival de hip-hop et de culture urbaine en Afrique de l'Ouest. Hachneim se produit ce soir à 20h heure locale et on aura le plaisir de l'avoir en direct du Sénégal à partir de 17h30. Et oui, rien que ça en tout cas. J'espère que tout se passe bien pour vous. On démarre en musique et je vous souhaite de passer un agréable après-midi à l'écoute de chaîne Inter et à tout de suite. Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful. Gravity hasn't started to pull quite yet. I bet you're rich as hell. One that's 5 and one that's 3. Been 2 years since he left me. Good to know. Yeah. for better conversation loses the vibe that separates. It's good to know you got a friend to remember now and then. Everybody loses. Qu'on vient d'écouter sur chaîne Inter. Jesse J, merci en tout cas de l'apprécier sur la bonne fréquence. Il est 15h passé de 20 minutes et bien sûr, on a toujours une petite pensée à ceux qui sont au volant de leur voiture, que ce soit bien sûr la voiture ou au guidon de votre moto ou bicyclette. Soyez super prudents et ne vous dites pas que le code c'est pour les autres. Et pour ceux qui sont sur l'autoroute, n'oubliez surtout pas la distance de sécurité entre vous et le véhicule d'en face, au moins 60 mètres. Croyez-moi et détendez-vous, restez zen Et bien sûr, nous, on vous accompagne, bien sûr, jusqu'à 18h avec de la bonne musique et des rubriques comme le 7e art et son actualité. Ça va être dans 10 minutes exactement. On retrouve Amina pour le film de cet après-midi, un thriller français et social très sombre, réalisé par l'acteur et réalisateur Marc Jolivet. C'est à 15h30. En attendant, musique et très bel après-midi à tous. Hello Maroc sur Chaîne Inter avec Hicham. I Wish It Could Rain. Ça, c'est un excellent morceau et un des tubes hein, de ce batteur, ex-membre du groupe Genesis, et j'ai nommé Mr. Phil Collins, que vous appréciez sur les ondes de chaîne Inter. Et comme promis, il est 15h30. C'est l'heure de découvrir le film de cet après-midi. Bonjour à l'affiche, le film Jamais de la vie. C'est une réalisation de Pierre Jolivet avec Olivier Gourmet, Valérie Bonneton et Marc Zinga. Franck est âgé de 52 ans. Il est gardien de nuit dans un centre commercial de la banlieue. Il y a 2 ans, il était ouvrier spécialisé et délégué syndical, toujours sur le pont, toujours prêt au combat. Aujourd'hui, il est le spectateur résigné de sa vie et il s'ennuie. Un beau soir, il voit un 4x4 qui rôde sur le parking et sent que quelque chose se prépare. La curiosité le sort de son indifférence et il décide d'intervenir. Une occasion pour lui de reprendre sa vie en main. J'ai réfléchi pour la retraite. Il va falloir que je bosse jusqu'à 70 ans avec le petit boulot minimum. Et après, il me reste quoi pour vieillir ? C'est pas ton casier, ça ? Parce que si on se pique des trucs entre nous, on est mort. Il y a des trous dans votre dossier. Enfin, il y a 10 ans, après la fermeture de Saint-Hilaire, vous auriez dû trouver du travail tout de suite. C'est passé quoi ? Et vous, ça se passe bien ? Ça va pas être facile, non ? Vous en connaissez, vous, des vies où c'est facile tous les jours ? Et si tu vois un truc bizarre, tu me fais un petit rapport. Et où je te cause ? Qu'est-ce que tu cherches ? Finir toute seule comme moi ? La rage, ça mène nulle part. L'argent, ça peut nous faire faire des conneries phénoménales. C'est pas la première fois, mais cette fois, je t'ai vu. Moi aussi, je t'ai vu. Au fil de l'écriture du scénario, l'idée de voir Olivier Gourmet incarner le gardien de nuit s'est imposée naturellement à Pierre Jolivet. Après quelques discussions, le choix s'est immédiatement posé sur l'acteur. C'est André Jolivet, le fils du réalisateur, et Sacha Sieff, et qui ont composé la musique du film. C'est la 3e collaboration entre les 3 hommes, après Zimenko ou encore le film Les Mains Armées. Dans le but d'appuyer le vide dans lequel se trouve Franck, il y a peu de musique tout au long du film. Tu surveilles ton collègue ? Vous avez raison tout à l'heure. Il se passe des choses. En 1998, Pierre Jolivet avait proposé à Olivier Gourmet de jouer un petit rôle dans En plein cœur, mais cela n'avait pas abouti. 17 ans plus tard, l'acteur joue le rôle principal de Jamais de la vie. Ne ratez pas le film de Pierre Jolivet, Jamais de la vie, en salle cette semaine. Bonne suite de programme sur chaîne Inter et à demain. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're feeling, it's sugar. I'm not afraid to die.

gozar, que el barrio empezó, esto no va a acabar. Dice, te gusta chapear, no pienses un momento que me va a josear. No era así, habladora, te suelto en banda, chapeadora. Papa, ça c'est du bon Fnayar que vous écoutez sur chaîne Inter. Il est 15h passé de 42 minutes. Excellent après-midi à tous, bien sûr. Et on vous l'égaye cet après-midi, bien sûr, avec du bon son et surtout des invités. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous hein, tout à l'heure, au début, piqûre de rappel concernant nos invités, puisque l'année scolaire est presque finie, c'est la période des examens. C'est pile poil le moment de faire un bilan de l'édition 2015 de la caravane Orientation Carrefour, une caravane qui sillonne le royaume durant 6 bons mois. L'objectif tout simple est de favoriser dans chaque escale 3 jours de contact et de débat entre jeunes, universitaires et acteurs de la formation, de l'orientation et de l'emploi. Et je reçois Mustapha Al-Fahir tout à l'heure à 16h, expert en orientation et fondateur de Orientation Carrefour. Et aussi, il y a les doctorants qui préparent leur soutenance et doivent rédiger leur thèse. C'est une autre paire de manches, c'est sûr. Et à ce propos, l'Université Mohamed V de Rabat et le Centre National de la Recherche Scientifique et Technique organisent la finale nationale du concours international Ma thèse en 180 secondes. Oui, 3 minutes, Ma thèse en 180 secondes. C'est un concept, rappelons-le, inspiré du concours 3 Minute Thesis. Donc 15 doctorants de différentes disciplines représentant plusieurs universités nationales. Ils auront 3 minutes, 180 secondes chacun pour convaincre un jury international de leur capacité à bien communiquer la science. Pour nous en parler en détail, je reçois le professeur Aziz Bensal. Il est coordonnateur de cet événement et ça sera lui aussi entre 16 et 17 heures. Et je rappelle qu'il y a le retour de l'information avec le point sur l'actualité de 16 heures qui est prévu dans un petit quart d'heure. En attendant, moi je vous souhaite un très bel après-midi et surtout restez avec nous sur chaîne Inter. Très belle écoute. This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long I forgot how to turn it up, up, up, up all night long. Up, up, all night long. You, where the hell did you come from? You're a different, different kind of fun. And I'm so used to feeling numb. Now, I've got pins and needles on my tongue. Anticipating what's to come. Like a finger on a loaded gun. I can feel it rising temperature. Me having

I can't lie no more. I can't hide no more. Got to be Trinidad. Yo, what up, Costi? Cataluna. Your love, it makes me melt away. It makes me melt away. Your touch just makes me melt away on the summer day. Your love, it makes me melt away, baby, right away. You make my body hot for you. From top, top, yeah, like that, keep it up like that, girl. My lady, this loving won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. Your loving makes me melt away, makes me melt away. Your touch just makes me melt away on the summer's day. Your loving makes me melt away, baby, right away. You make my body hot for you. Your body melt like ice, like ice. Come over here, lay down, and let's turn off the lights. Girl, I'll do you right. I will take you straight to paradise. You make me hot. I make you hot, girl. Hot, hot, hot, hot, hot. So hot. Hot, hot, hot, hot. Très bel après-midi à l'écoute de Chaîne Inter. Il est tout juste 16h et c'est l'heure de l'info. Oumaï Masbila. Bonjour à tous. La Chambre des conseillers tiendra lundi prochain une séance plénière consacrée à la discussion de l'exposé du premier président de la Cour des comptes, présenté le 6 mai dernier devant les deux chambres du Parlement sur les activités de la Cour des comptes et des cours régionales. Cette séance commencera à partir de 15h30. Et à l'international, les forces irakiennes tentent sur plusieurs fronts de faire reculer le groupe terroriste Daïch en attendant l'arrivée des 400 à ses quantums supplémentaires envoyés par les États-Unis pour muscler la lutte contre les djihadistes. Sur le terrain irakien, plusieurs opérations militaires sont en cours pour reconquérir les vastes territoires perdus il y a un an. Et en Syrie, des groupes rebelles ont annoncé aujourd'hui avoir pris au régime de larges parties d'une base aérienne de la province de Souaïda au sud, contrôlée par les forces gouvernementales. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé la progression des rebelles, mais la télévision d'État a qualifié de totalement infondées les informations sur l'occupation par les rebelles de l'aéroport d'Altala. Et le directeur de la communication de la FIFA, Walter De Gregorio, a démissionné aujourd'hui de son poste avec effet immédiat, alors que la Fédération internationale de football est secouée par un énorme scandale de corruption. Arrivé à la FIFA en 2011, De Gregorio quitte son poste, mais interviendra comme consultant jusqu'à la fin de cette année, selon un communiqué de la FIFA. Et la suite nous conduit au Pakistan. Un kamikaze taliban a tué aujourd'hui deux policiers et blessé six autres personnes en tentant d'assassiner un commandant de police dans l'instable nord-ouest du pays. Un policier a été tué sur le coup, un autre a succombé à ses blessures et quatre autres ont été blessés. Et dans le reste de l'actualité, les autorités suisses et autrichiennes ont ouvert séparément des enquêtes sur des soupçons d'espionnage informatique dans des hôtels où se déroulaient des négociations sur le nucléaire iranien. Israël étant pointé du doigt par des experts informatiques. Le parquet suisse a ouvert en mai une enquête pénale contre X pour soupçon d'espionnage. C'est ce qu'indiquait aujourd'hui le ministère public. Et c'est ainsi que s'achève ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le prochain retour sur l'actualité à 17h. À l'occasion de la fête de la musique, l'Orchestre Symphonique Royal organise un concert de jazz exceptionnel. Au programme, un répertoire varié avec des œuvres des meilleurs morceaux de jazz, d'auteurs et d'arrangeurs très connus. Soyez tous au rendez-vous à 21h, le 12 juin à Casablanca, le 13 à Bab el Makina à Fès et le 15 à Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Chalinter. Something's crept in under our door, silence soaking through the floor, pinching like a stone in my shoe, some chemical that's breaking down the glue. Been binding me to you. Ooh, I feel like I just don't know you anymore. But I've been burned and I've been wrong so many times. We walk in circles of blind, leading the blind. Well, I thought that love watched over this house. You're putting up the windows now. We've been leaning on each other so hard, tied so tight we wound up miles apart, making simple things so hard. Sister, c'est le Maroc avec Hicham. Anything is possible, ça c'était la formation Journey, que vous écoutez évidemment sur les ondes de chaîne Inter. Il est 16h passées de 12 minutes, et bien sûr c'est la deuxième partie, et nous sommes encore ensemble jusqu'à 18h. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Le premier n'est autre que l'initiateur et le fondateur de cette caravane qui sillonne le royaume durant des mois. Et l'objectif tout simplement, c'est le favoriser, donc chaque escale, donc les trois jours d'escale, donc favoriser le débat entre les jeunes universitaires, les acteurs de la formation, de l'orientation et de l'emploi. Et je parle évidemment de cet événement dont nous sommes partenaires d'ailleurs sur chaîne Inter, Orientation Carrefour. Et pour nous en parler, Mustapha Al-Fayek est avec nous. Marhaba bik ma'ana, Mustapha Al-Fayek. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'accepter mon invitation et bravo pour ce que vous faites et ce que vous faites pour les futurs bacheliers, pour les candidats au baccalauréat. Et bien sûr, hein, vous leur ouvrez les yeux donc, et l'esprit hein, surtout wow. par rapport bien sûr aux études supérieures et ce que propose hein, le marché marocain. Voilà, oui, c'est effectivement nous essayons de les valoriser. Voilà. Pourquoi ? Parce que nos jeunes ils ont besoin d'être valorisés, les informer, les doter d'informations fiables, réelles, authentiques. C'est leur donner leur propre valeur et leur donner la confiance pour qu'ils puissent avancer et participer au développement souhaité. En tout cas, bravo encore une fois avec une édition 2015 super bien réussie. On reviendra sur les détails, sur les chiffres que vous allez nous donner, Mustapha Fayer, parce qu'il ne se balade jamais sans chiffres. Mustapha Fayer, c'est son point fort. En tout cas, c'est à la fin de l'année. L'année scolaire est presque finie, donc on va faire ce bilan dont j'ai parlé. À la fin de l'année aussi, il y a aussi quelques doctorants qui préparent des thèses. Et justement, nous avons l'événement qu'il faut. Donc ça, c'est une autre paire de manches. Et à ce propos, l'Université Mohamed V de Rabat et le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique, le CNRST, organisent la finale nationale du concours international baptisé Ma thèse en 180 secondes. Et oui, monsieur Fayer, en 180 secondes, 3 minutes justement, qui seront données aux doctorants de différentes disciplines et qui représentent plusieurs universités nationales. Donc chacun pour convaincre un jury international de leur capacité à bien communiquer la science. Et pour nous en parler, bien sûr, de cette finale qui a lieu demain, vendredi 2 juin, j'ai le plaisir de recevoir le coordonnateur de l'événement, le professeur Aziz Ben Salah. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. Bonjour. Il perd la voix. Merci Sénichin pour cette invitation. Mahbabik. Donc elle me permet de communiquer à propos d'un concours de communication scientifique. C'est donc la moindre des choses. Alors, c'est un cours de communication scientifique destiné aux doctorants nationaux. C'est une épreuve. C'est un concept donc importé de l'étranger. C'est un concept. Alors à l'origine c'était un concept anglais. Donc voilà. Il n'est pas interdit d'emprunter chez le concurrent. C'est un concept anglais qui a été adapté par nos amis québécois et qu'ils ont proposé par la suite à la France, la Belgique et le Maroc. Voilà, donc la version c'était francophone. C'était pour l'édition 2014. La version francophone a démarré au Canada. Voilà. A démarré au Canada. Voilà. Et la première édition, c'était l'année dernière, première édition internationale qui intéressait les quatre pays que je viens de citer, dont le Maroc. Et pour l'édition 2015, il y a du nouveau, nous serons 8 avec 4 nouveaux pays africains. Voilà. Donc la Tunisie, le Sénégal, le Burkina Faso et le Cameroun se joindront à nous pour cette fête de la communication scientifique dont la finale aura lieu à Paris. Voilà, donc la finale aura lieu à Paris. Demain, la finale au niveau local, au niveau donc national, on va dire, ça se déroule demain, vendredi 12 juin. Donc ça à partir de 14h. De 15h. De 15h, voilà. Donc, mais c'est bien de venir aussi à 14h. Ben, je crois que c'est pour ça que vous avez mis ça sur le communiqué. Parce que nous avons 14h, donc c'est fait exprès. Ils sont scientifiques, ils sont très intelligents. En voilà. Tout cas, c'est demain. Est-ce que c'est ouvert au public? Est-ce que tout le monde peut assister justement à cette finale? Ah ben, c'est ouvert au grand public. Donc en fait, c'est ouvert aux candidats donc, qui seront en compétition, qui viendront accompagnés de leur famille, de leurs amis. Et c'est ouvert au grand public, bien sûr, dans la limite des places disponibles. Voilà, tout simplement. En tout cas, on reviendra donc, sur ce concept, parce qu'il y a quand même cette valeur ajoutée qui n'est pas donnée hein, donc, en général aux scientifiques, c'est de communiquer. Et donc, si j'ai bien compris, le but justement, c'est d'apprendre et donner les techniques de communication à ces scientifiques, justement, qui en général n'ont pas ce talent. Hein, donc, Ben tout à fait. Depuis quelques dizaines d'années, partout dans le monde, on a fait le constat qu'il y a un manque en matière de communication scientifique. On ne sait pas. Non, pas seulement chez les doctorants, mais aussi chez les chercheurs. Donc c'est une affaire qui concerne toute la communauté scientifique. Alors je vous passe sur ce qui se fait par rapport aux chercheurs. C'est aussi une longue histoire. Mais par contre, ce concours est destiné aux doctorants. Et je dois dire qu'il est complété. Pas encore au Maroc, mais nous espérons le faire assez prochainement, par des modules de communication scientifique et plus généralement aussi de la médiation des sciences. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie culturelle en matière de médiation des sciences. Voilà, on reviendra tout à l'heure, hein, parce que j'imagine si demain on parle d'épreuves finales, donc il y a quand même des épreuves éliminatoires et tout ça, on va un petit peu parler du déroulement de cette épreuve, mais j'ai envie de revenir à Mustapha Fayer, hein, donc c'est la période des examens du baccalauréat, on y reviendra tout à l'heure, mais d'abord faisons un petit bilan justement de votre événement, donc Orientation Carrefour, hein, donc qui a sillonné plusieurs grandes villes du Royaume, on le rappelle. rappelle, hein, donc l'objectif c'est d'éclairer, hein, donc c'est candidat au baccalauréat, donc par rapport aux études supérieures, ce que propose, hein, donc le marché marocain. Et je vous laisse un petit peu nous donner quelques chiffres, comme vous annoncé tout à l'heure. Alors effectivement, nous nous réjouissons des objectifs atteints au terme de la caravane de la 19e édition qui a commencé par la ville de Nador le 16 janvier, qui a pris terme à Agadir le 8 mai. Donc nous avons pu voir 15 villes. Nous avons pu réunir quelques 320 000 jeunes parents, élèves assoiffés à l'information, assoiffés au débat, à la réflexion collective avec les intervenants. Donc il y avait, comme vous le savez, la présence du ministère de l'Éducation nationale, bien sûr, ce l'égide duquel nous organisons nos éditions, et bien sûr cette égide s'est traduit dans la collaboration et l'implication des académies régionales d'éducation, de la formation et des délégations d'éducation nationale à travers les conseillers en orientation qui étaient présents à travers leur arsenal informatif et à travers leurs conseillers pour recevoir les parents, etc. Et il y avait les écoles supérieures publiques, il y avait les universités, que je tiens à... C'est une autre particularité, si vous proposez en fait l'enseignement privé et public, surtout. Et public. Et il y a je souligne surtout la présence des universités publiques dans différentes villes. Bien sûr que d'une année à l'autre, ils sont de plus en plus performants sur mettre en valeur ce nouveau visage de l'enseignement public et des facultés marocaines, qui s'adapte justement aux demandes et aux exigences du marché de l'emploi. Donc on propose plusieurs formations aux différents profils. C'est très important de préciser. C'est vrai, c'est qu'ils s'adaptent aux besoins de l'information de les élèves, qui sont leurs futurs clients, et qui s'adaptent aussi avec leur rôle en tant qu'université qui doit communiquer sur ses prestations, qui doit communiquer sur ses services. Ces nouveaux services, etc. Pourquoi ? Parce que l'université d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 5 ans, 6 ans. Il faut bannir, justement. Il est mieux placé pour... Il faut bannir cette image, ce cliché qu'on a sur l'université. Il y a aussi une soixantaine de conférences que nous avons pu animer en parallèle, bien sûr, des forums. Il y avait même des experts étrangers qui sont venus pour intervenir sur le thème de l'orientation créative. Donc quelque chose de nouveau, donc qui a suscité un intérêt incroyable et remarquable tant au niveau des acteurs qu'au niveau de la cible. Ça me tend la perche pour m'arrêter sur la thématique de cette année, justement. C'était donc l'orientation, présence et performance. Oui. Voilà, donc c'est ça en fait. Oui. Moi, je voudrais dire par ce thème, c'est que l'orientation, c'est pas une opération ponctuelle, une opération saisonnière de diffuser une information sur les concours, sur les candidatures, mais c'est une opération qui s'étale sur un cursus, sur une pérennité. C'est une opération développementale, comportementale. C'est un process, bien sûr, à laquelle chacun doit apporter sa contribution. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous remercie, hein, donc Mustapha Faïr, et on va revenir aussi au professeur Aziz Ben Salah pour encore développer et parler justement de la valeur ajoutée de cette épreuve dont on parle, ce concept, donc ma thèse en 180 secondes, dont la finale se déroule demain, en vendredi 12 février, à partir de 15h, attention, mais on dit quand même 14h. vous avez compris le message. Voilà. Mais on dit quand même 14h, donc demain c'est au CNRST, on y reviendra dans quelques instants. Merci de rester avec nous sur chaîne Inter, il est 16h passé de 22 minutes. On revient à vous juste après ce petit morceau, à tout de suite. Sleep till I'm not tired. I just wanna drive to dream up a reason for a rendezvous. I'm back in town and I got nothing to do. We could drive all day with the top let down. We could stay in tonight or we could wreck this. I just wanna sleep till I'm not tired. I just wanna drive till I run out of highway into the purple sky. If I'm gonna live until I'm 50, I'm gonna need you by my side. 'Cause I don't wanna dance without you with me into the purple sky. Qu'on vient d'écouter avec Purple Sky. Merci d'écouter du bon son pop rock sur les ondes de chaîne Inter et vous êtes sur la bonne fréquence. Et un petit coucou de bienvenue à ceux qui viennent se joindre à nous, vous souhaitant bien sûr une bonne fin de journée. J'imagine encore une fois un ouf de soulagement après une bonne journée de travail. En tout cas, nous on se détend bien sûr en musique, mais nous avons bien sûr du pain sur la planche avec nos invités. Je rappelle que je suis toujours en super bonne compagnie. Nous faisons le bilan de l'édition 2015 de la caravane Orientation Carrefour avec son fondateur. Avec nous, Mustapha Al-Fahir. Marhaba avec Mahla Al-Fahir. Marhaba. Et bien sûr, nous parlons de cette finale qui se déroule demain, de ce concept, de ce concours international baptisé Ma thèse en 180 secondes, organisé par l'Université Mohamed V de Rabat et le Centre national de la recherche scientifique et technique. Et pour nous en parler, nous avons le coordonnateur de l'événement, le professeur Aziz Ben Salah. Rebienvenue à vous, professeur. Ben, merci à vous. Alors, avant de vous répondre directement, j'aimerais juste dire que je me réjouis d'être en compagnie de M. Fife parce que nous avons des objectifs communs. Et je ne peux être que fier de moi. Non, mais c'est ça, il y a énormément de points communs et vous allez dans la même direction de toute façon. Voilà, j'espère qu'il va nous aider. Je vais dire pourquoi. Parce que nos objectifs, nous, en matière de promotion des sciences et techniques, qui vont au-delà de ce concours, c'est lutter contre la désaffection vis-à-vis des filières scientifiques et puis. Montrer l'attractivité des métiers de la recherche. Je pense que ce que fait M. Pfeiffer va pouvoir nous aider. Voilà. Et on va rester en contact, je vous le promets. Voilà, voilà. Monsieur Fer, vous serez leur vitrine, tout simplement. Voilà. Voilà. Vous serez leur vitrine qui brille et qui attire et qui justement donc contribue à donner cette nouvelle image, entre guillemets, des scientifiques, professeur. Parce que nous avons tous cette idée, ce cliché des scientifiques qui sont très forts dans ce qu'ils font, mais qui ont du mal à communiquer. Donc, moi, j'étais attentif, monsieur Ben Salah, pour que j'assimile bien et je comprenne bien le concept de l'événement. Et finalement, bien sûr, ça rejoint l'idée que j'ai avancée tout à l'heure, que nos universités publiques, ils bougent, ils sont en mouvement. Et là, cet événement, on ne peut que traduire cette dynamique d'orientation, d'information et de sensibilisation. Voilà, pour chasser le point d'interrogation qui doit planer autour de la tête de ceux qui viennent se joindre à nous sur chaîne Inter, on rappelle quand même rapidement que Ma thèse en 180 secondes, ce concours international dont la finale se déroule demain, donc le concept est très simple. Donc, il y a 15 doctorants de différentes disciplines qui représentent plusieurs universités nationales. Ils auront 3 minutes chacun pour convaincre un jury international de leur capacité à bien communiquer la science, tout simplement. N'est-ce pas, professeur Ben Salah ? Tout à fait. 3 minutes uniquement pour communiquer la science, mais avec des canons quand même. Parce qu'avant le concours, il y a une formation. Bien sûr, il y a des gens qui sont doués, voilà. Mais ce n'est pas la clé. Alors, la clé d'histoire, c'est la formation. Racontez-nous comment se déroule justement ce concours, parce qu'on en est à la phase finale, ça démarre quand, et les phases dont passe justement. Je vais vous dire que 2 points essentiels. Le point essentiel, c'est qu'on a une formation à la communication scientifique, en général, mais surtout adaptée à ce concours. Et elle touche tous les candidats. Seuls les candidats ayant suivi cette formation sont éligibles pour le concours. C'est une exigence de la part des organisateurs. Donc déjà une présélection, voilà, entre guillemets. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on prépare à la communication scientifique ? Rapidement, on va essayer de parfaire les points suivants. Premièrement, la structuration de l'exposé. Elle doit répondre aux canons scientifiques qui sont connus. Deuxièmement, la notion de vulgarisation. ces concurrents donc vont s'adresser au grand public qui n'est pas du tout spécialiste, qu'on appelle un public profane. Ils doivent faire preuve donc de vulgarisation, c'est-à-dire de rendre accessible leur discours. Ils vont bannir tout jargon scientifique et trouver les images, les métaphores pour pouvoir faire passer leur travail de recherche. Troisièmement, ce sont des communicants, et là je pense que c'est la communication comme vous la faites si bien vous, c'est-à-dire il faut un talent d'orateur et une implication et communiquer la passion au grand public. Donc on est sans juger sur trois, c'est sur trois critères. Chacun son métier, professeur. D'accord. Même si je porte une blouse blanche, ça ne fera pas de moi scientifique. Donc voilà, il faut qu'ils aient ces trois critères réunis et le meilleur gagnera. Voilà, tout simplement. Et les trois en premier iront représenter le Maroc, encore une fois, à la finale internationale qui aura lieu à Paris. Dernier point, rapidement sur l'organisation, c'est qu'au Maroc, nous avons choisi de faire le concours en deux étapes. Des étapes qu'on dit régionales, donc on a partagé le Maroc en trois zones universitaires. D'accord ? Dans chaque zone universitaire, c'est sous le parrainage d'une université. C'est la sonnerie. Vraiment de désolé, téléphone. On oublie d'un ça. Scientifique, tout simplement. Voilà. Et ça, on rappelle le bon vieux téléphone. Pour que je sois crédible, il faut que je sois un peu discret. Non, mais, discret, donc, mais la sonnerie vous va bien, franchement. Ça me rappelle celle de Colombo. Désolé. Donc, allez-y. C'est ça le direct. Ah. Ça prouve qu'on est en direct. Donc nous avons eu trois étapes régionales à Fès, à Marrakech et à Rabat, et pour chaque concours régional, nous avons eu 5 qualifiés. Ce sont vos 15. Donc vous avez cité. Donc les 15 finalistes. Les 15 voilà. finalistes qui seront en compétition demain au CNRST. Voilà. On prendra les 3 premiers lauréats. Voilà, donc, ouais. Donc ils représentent donc différentes universités, comme vous l'avez dit. Donc ils reçoivent une formation, donc ça c'est très important. On rappelle que les finalistes donc, iront donc, à Paris. Donc, À Paris. L'année dernière, nous avons emmené 3 lauréats marocains à Montréal. Au Québec, et ils ont fait de très belles prestations. Voilà, donc la valeur ajoutée dans la chose, et comme ce que je voulais dire hein, tout à l'heure, parce que ce phénomène, hein, donc, j'ai l'impression que c'est une prise de conscience mondiale au niveau international de cette lacune chez les scientifiques, de ne pas pouvoir communiquer et vendre, entre guillemets, ce qu'ils font. Et j'ai remarqué à titre personnel que, même au niveau audiovisuel, on a la fameuse série, je ne sais pas si vous connaissez, donc, de Big Bang Theory, donc, qui met en scène donc, des physiciens. Et voilà, donc, on essaie un petit peu de banaliser, de vulgariser cette science. Tout à fait, ça pour va que dans tout le monde sens se sente impliqué. De ce mouvement. Et effectivement, l'événement est un grand succès dans les pays européens, Belgique, France et puis au Canada. La finale française s'est déroulée la semaine dernière à Nancy, dans un amphi de 850 personnes. Et c'était pas des étudiants, c'était pas uniquement des scientifiques. Le grand public. C'était le grand public. Alors, c'est le but. Ils ont joué, si l'on peut dire, à guichet fermé. Ah bah, c'est le but. J'y étais, j'ai vu des gens qui n'ont pas pu entrer. Voilà, donc ils avaient 27 candidats, donc c'était quand même un concours marathonien par rapport au nôtre, et on s'est pas ennuyé alors une seconde. Ben, non. Alors, on s'est ben, pas ennuyé une seconde. Ouais, ouais. Voilà. Eh ben, en tout cas, bravo. Hein. Donc, je rappelle ma thèse en 180 secondes. Donc, ce concept inspiré hein, donc de 3 minute thesis. C'est comme ça que c'est voilà, baptisé en anglais. Université de Queensland en Australie. Ça a démarré en Australie. Donc, pour la version anglaise et ou anglophone. Au Québec, pour la version francophone pour la première fois. Et là, donc, c'est au Maroc. Et on a 4 pays en plus. 4 pays cette africains année, cette année. Cette édition 2015, ça a été élargi à 4 pays africains qui sont la Tunisie, je le répète, le Sénégal, le Cameroun et le Burkina Faso. Sans transition, on y reviendra bien sûr sur les 180 secondes hein, donc, pour convaincre tout simplement. Et nous allons revenir au côté orientation. Et quand on parle d'orientation, comme vous le faites si bien, Mustapha Al-Fayek, avec votre caravane Orientation Carrefour, donc vous ciblez tout d'abord les candidats au baccalauréat. Mmh. Et vous n'êtes pas sans savoir que les examens ont démarré depuis mardi, donc les 9, 10 et 11 juin. C'est-à-dire donc aujourd'hui devait être le dernier jour. Et bien sûr, comme tous les jours, Leïla Azizi, bien sûr, et Houria sont allés à la rencontre des candidats au baccalauréat, donc à chaud, juste après les épreuves. On écoute d'abord leurs impressions et on revient à tout ça. مزيان الحمد لله غير المات اللي كان فيه المشكل اما داكشي الاخر صافي في المستوى سورتو اليوم السونس كان في المستوى ديالنا دوزنا الاجتماعيه دازت زوينه الحمد لله سهله الحمد لله كان الاساسيدات مزيان كانوا حاضرين ما كانتش مقيله سيتي بيان هو سيتي ان بو ديفيسيل لا لاني ديرنيير مي بون سافا لا كلاس لي تي كالم هذوك اللي حاضرين حتى هما ايزيتي اسي كوريكت ما تيخليوش النقير وداكشي دونك خلاونا في واحد الاجواء هادنين وكلشي مزيان Et ben voilà, donc ça c'était hein, donc apparemment à part les maths hein, donc qui ont posé problème, donc tout s'est bien passé. Mustapha Al-Fayek. Donc je vous rappelle quand même hein, donc puisqu'on en parle, et, qu'après hein, donc les fuites hein, de l'épreuve de mathématiques qui a entamé donc la deuxième journée de l'examen du bac de cette année, le ministère de l'Éducation nationale a décidé donc de programmer à nouveau cette discipline, donc les mathématiques, le vendredi 12 juin exactement. Et le ministère de l'Éducation donc a décidé donc de programmer à nouveau donc l'épreuve pour tous les candidats, donc rappelons les sciences, les sections sciences expérimentales et sciences et technologies. Oui. Donc le vendredi 12 juin de 8h à 11h. Donc le communiqué fait office hein, de convocation. Donc ouais. Pour ceux qui sont concernés, on insiste là-dessus, n'attendez pas de recevoir une convocation parce que le communiqué lui-même est une convocation. Le ministère, donc à travers le communiqué, invite tous les candidats se présentaient au niveau des centres d'examen à la date et à l'heure que j'ai mentionné, le 12 juin, c'est-à-dire vendredi, de 8h à 11h. Il faut qu'ils soient munis de leur convocation pour l'examen de la session ordinaire du baccalauréat. Oui. Votre avis là-dessus, Mustapha Al-Fayek, en tant qu'expert en orientation et en pédagogie. Oui. À mon avis, événement oui, de cette année. Oui. À mon avis, cet incident qui ne cesse de se répéter ne fait que traduire des comportements de personnes non responsables qui agissent pour perturber l'ambiance scolaire, pour perturber la vie scolaire des élèves. Mon avis aussi, c'est que il est temps qu'on réfléchisse sur ce sésame, sur ce baccalauréat. Parce que à quoi sert le baccalauréat? Le baccalauréat, est-ce qu'il sert à sanctionner la fin d'un cursus scolaire au lycée? Vous posez une question. Voilà, je pose une question. À quoi sert le baccalauréat? Quelle est la valeur ajoutée de ce baccalauréat? Voilà, à quoi sert le baccalauréat? Est-ce que c'est pour sanctionner, c'est pour faire l'évaluation sommative et puis faire le dernier bilan des étudiants? Le baccalauréat doit être un moyen de contribuer au développement personnel du citoyen marocain. Donc il faut qu'on ait un œil de formateur, d'évaluateur, d'observateur tout au long de la vie scolaire qui dure 3 années dans le lycée. Vous êtes contre le concept d'un examen final. Non, je suis pour l'assouplissement et l'atténuation de ce fardeau du baccalauréat qui pèse tant sur au niveau psychologique qu'au niveau organisationnel qu'au niveau budget de concrètement est-ce que vous avez une idée à proposer? Est-ce que vous avez une idée? Oui, l'idée c'est donner plus d'importance et de mettre l'accent sur le contrôle continu. Donner aux professeurs la latitude et la possibilité d'évaluer au continu ses élèves. Pourquoi? Parce qu'il est dans une relation avec son élève, dans une relation d'aide, dans une relation de correction. Il corrige les lacunes, il essaie de rapprocher l'élève des objectifs scolaires. Donc c'est cette évaluation qui peut préparer l'élève, à devenir un adulte, à assumer sa responsabilité d'adulte. Le baccalauréat, ces examens, moi, à mon avis, c'est démodé. C'est les laisser pour les concours aux grandes écoles. Donc voilà. Donc on réserve un examen final, voilà. Mais pour l'accès aux grandes écoles. Voilà, il ne faut pas qu'on ait seulement 50% qui ont le baccalauréat. Mm-hmm. Il faut qu'on aboutisse à 90% des gens qui ont le baccalauréat. Mais l'accès aux universités, l'accès aux grandes écoles, ça doit être régulé par des concours. Mais parce que déjà, il y a une présélection pour passer les concours des grandes écoles, donc on se base déjà sur une moyenne. Et donc, en général, c'est la moyenne du baccalauréat. Oui. Est-ce que là, vous proposez qu'on se base sur la moyenne de toute l'année, de toute la, la scolarité? On se base sur la moyenne de toute la vie scolaire, de toute la vie du cursus de trois années. Mmh, on ne se base pas parce qu'on on accorde au baccalauréat 50%. 50% et donc, 25%. Toutes les années du lycée. Voilà, toutes les années du lycée. Et donc, il y a que le prof qui connaît le comportement, qu'on connaît les actions et les réactions des élèves face à des situations, que ce soit orale, écrite, que ce soit dans un laboratoire, etc. Et vous dites quoi donc de la terminale ou du baccalauréat en deux années? Baccalauréat en deux années. C'est ce qui se fait. Donc, quand je suis en première année de terminale, donc à la deuxième année, on passe l'examen. Donc, là aussi, vous êtes pour ou contre? Moi, je suis pour. Le lycée, nous avons trois années. Il faut qu'il y ait trois années de travail, d'évaluation, d'observation formative. Il faut qu'on forme. D'accord, il faut qu'on produise des profils, des compétences. Il faut pas qu'on ait seulement des certificats et des chiffres, des moyennes, parce que c'est pas ça qui est demandé dans la vie réelle. Ce n'est pas représentatif réellement du profil de l'étudiant. Voilà. Je peux pas m'empêcher de me diriger vers le professeur Aziz Bensalah après tout ce que vous avez entendu. Donc, est-ce que vous êtes dans le même sens que Mustapha Fayer Votre avis, tout simplement. Ni dans un sens, ni dans un autre. Non, disons, je n'ai pas envie de brouiller le message. Par rapport au baccalauréat, est-ce que vous aussi Je n'ai pas envie de brouiller le message pour lequel je suis venu, donc je ne me prononcerai pas. On y reviendra, je vous rassure. Je vous rassure, on y reviendra. En tant que citoyen, je déplore l'incident. Et en tant que membre de la famille de l'éducation nationale. Et alors, permettez-moi donc plutôt de souhaiter bonne chance à tous nos candidats mes voeux de réussite. Pour ceux qui sont contents, comme on dit, donc ça doit arranger certains, mais pas d'autres. Hein, donc il y en a qui ont peut-être bien passé, qui ont réellement travaillé. Ouais. D'autres, donc ils vont payer pour certains vont payer pour d'autres. Et voilà, donc en tout cas, on leur souhaite bon courage, comme l'a bien tout signalé le professeur Bensalah. Par rapport à ce baccalauréat, rapidement, professeur Bensalah, vous êtes pour ou contre l'idée qu'a proposé Mustapha Fayer? Vous voulez vraiment que je me prononce? ça nous ferait vraiment plaisir. Je sais, c'est ni le moment ni l'endroit. Non, mais l'idée générale, quel que soit le type de baccalauréat, parce qu'il y en a plusieurs, il faut la notion d'examen, elle est importante. C'est l'évaluation, voilà. Donc, tout à fait. Voilà, tout à fait. C'est ce que je voulais savoir, en tout cas. Vous avez réussi à me tirer quelques thèses. Voilà. En tout cas, je reviens à Mustapha Fayer, puisque vous parlez des jeunes, vous parlez d'orientation. Et ce qui revient assez souvent, c'est que les jeunes se plaignent de ne pas être assez informés et pas bien orientés. Alors là, est-ce qu'on va un petit peu mettre ça sur le dos des personnes qui sont en face de ces étudiants, pas assez qualifiés, ou le message ou le problème de communication se pose encore? Oui, je reviens sur cet incident. Bien sûr, cet incident, c'est un incident qui, à mon avis, qui fait répandre le problème de la triche dans n'importe quel domaine de notre vie sociale et économique. Donc l'école, ce n'est que la petite société qui peut qui est le miroir de ce qui se passe dans la vie. Un échantillon, voilà. Un panel de la société. Moi je suis pour. C'est pas seulement informé. L'élève n'est informé qu'à travers l'exercice, qu'à travers la pratique. Donc il faut prendre en charge cet élève dès le collège et dans le lycée, à travers des réflexions, à partir des notes du contrôle continu, pour voir s'il y a des passerelles, pour voir s'il y a des programmes, pour voir s'il y a des partenariats avec l'entreprise, pour impliquer l'élève, pour qu'à l'âge de 16 ans, il doit intégrer, que ce soit une profession, que ce soit une formation, avant d'arriver au baccalauréat et avant de faire vivre nos jeunes dans l'illusion qu'ils ont fait un cursus de 6 ans et puis ils vont obtenir le baccalauréat. Moi, c'est ce que j'appelle le mugharrar bihim. il faut pas nos élèves ما خصناش نكذبوا عليهم ما خصناش نقول لهم اجي غادي تاخذ البكالوريا وصل الثالثه اني الدوزيام اني باك خصو ياخذ البكالوريا ديالو ملي غادي ياخذ البكالوريا يشوف في فين غادي يمشي كو سوا يكون ليكزامان دو باك ولا لو كونترول كونتيني مي موا جو انسيست سور لو كونترول كونتيني باسكو لو كونترول كونتيني هو لو هو هو هو لا كلي pour trouver des solutions tout au long de la vie scolaire de l'élève, à travers le staff éducatif, à travers les parents, à travers l'environnement associatif, à travers le tissu économique. Donc l'école, à mon avis, ce n'est plus le lycée, ce n'est plus ce bâtiment de l'éducation nationale. L'école, il y a d'autres écoles qui jouent leur rôle où l'élève est là. Il y a l'école de l'Internet, il y a l'école de la... si vous voulez de la mutation sociale et économique que nous vivons, donc il faut que s'adapter, l'école voilà, tout simplement. Que ça, s'adapte avec que notre école s'adapte. Malheureusement, je le dis, on est resté sur des pratiques entre guillemets traditionnelles qui mettent l'accent sur le contenu et non sur la personnalité, non sur l'individu. Merci en tout cas. Donc, mais j'ai toujours pas quand même la réponse à ma question. Donc, ouais. Par rapport justement à ces jeunes qui se plaignent de ne pas avoir assez d'informations et pas assez orientés. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ces jeunes qui se plaignent, c'est le fait de se plaindre qu'ils ne sont pas informés. C'est déjà pas ils assez sont dans une informés. Voilà. Voilà, ils sont dans une situation normale parce qu'ils sont conscients, parce qu'ils cherchent l'information et ils cherchent la qualité de l'information. Donc, je conseille assez à ces élèves d'aller vers les sources d'information, Irshad Talib, les centres d'information d'orientation relevant des délégations, et de venir nous voir dans notre centre d'orientation pour les études et les métiers qui revoit les élèves que nous rencontrons pendant les forums, à travers les emails, à travers les coups de téléphone. Nous les dotons de l'information, des concours, nous les écoutons par téléphone, nous leur donnons l'information gratuitement. Et tout au long de l'année. Tout au long pas de l'année. Pas uniquement en période de Tout au long de l'année, ils peuvent aller vers notre site www.copem.ma et ils ont toutes les réponses aux questions qu'ils posent. Pourquoi ? Parce que notre site, il a une vocation plutôt de conseil et d'interactivité avec les parents. Que ce soit le site et notre page Facebook. Non, parce que vous avez recommandé donc Irshad Talib, donc oui, orientation Carrefour. Vous faites quoi des conseillers en orientation qui sont présents dans les établissements scolaires ? Parce que nous croyons... Qui ont cet avantage de proximité avec... Oui, nous croyons que l'information, l'orientation, ce n'est pas l'affaire d'une seule source, c'est l'affaire de tout le monde. Donc il y a plusieurs structures, il y a Irshad Talib, il y a les CRIAO, les centres régionaux d'information et d'orientation qui font un travail fabuleux, il y a les centres d'information et d'orientation, les SPAO qui relèvent des délégations, il y a le CAIO de l'université Mohamed V qui fait aussi un travail incroyable. Et il y a un autre centre, bien sûr, le COPEM, qui apporte aussi l'eau au moulin dans cette problématique. Donc, si j'ai bien compris, pour résumer, pour revenir à ce que vous avez dit, donc la phase 1 pour bien orienter donc un jeune, c'est tout simplement lui faire découvrir qui il est d'abord, lui-même. Voilà, c'est tout simplement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le valoriser. C'est le premier pas. Quelle que soit sa performance scolaire, il faut le valoriser. Parce que chacun a le droit d'avoir un projet, d'avoir une place, d'avoir un positionnement dans la vie scolaire, que ce soit avec 6 ou avec un 7 ou avec un 16 sur 20. Voilà, en tout cas, je vous remercie, Mustapha Faïk, et bien sûr, on va revenir dans quelques instants au concept et au concours international Ma Thèse en 180 secondes, dont la finale se déroule demain. Pour nous en parler, nous avons toujours avec nous le professeur Aziz Bin Salah. Il est 16h46 à l'écoute de Chaîne Inter. Summertime. Ça, c'était bien sûr Steven Tyler, que vous avez sûrement reconnu à travers son timbre de voix, le vocal de Aerosmith. Merci de l'apprécier sur chaîne Inter. Nous avons encore 5 minutes à passer avec nos invités. On va en profiter d'ailleurs pour faire le récap des deux événements dont on parle cet après-midi. Donc, orientation Carrefour. Donc, Mustapha Fahir, vous nous avez fait le bilan tout à l'heure. Donc, un bilan super positif de la caravane de cette année, de l'édition 2015. Oui, oui. Au niveau des passeports délivrés, oui, au niveau bien sûr des, oui, du nombre de visites, oui, à travers toutes les villes que vous avez sillonnées. On va dire que c'est un bilan positif. Pourquoi ? Parce que on reste toujours assoiffé à la perfection et à l'amélioration. Et donc, je souligne la participation de tous les partenaires et l'implication de tous les partenaires, entre autres chez Inter, qui nous a accompagnés à Oujda, à Rachidia, à Khribga et à Agadir. Donc, aussi le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales pour leur parrainage aussi. Et donc, toute la presse partenaire et les médias. Il y a l'occasion aussi de faire un clin d'œil pour les conseillers en orientation qui se sont impliqués dans toutes les villes pour la sensibilisation des élèves et pour l'animation de l'accueil et les entretiens avec les élèves. Aussi les intervenants qui ont animé avec nous les tables rondes et les conférences les que vous avez organisées. Voilà, donc plus de 36 tables rondes, voilà, qui ont été programmées, voilà, cette année. On a aussi distribué gratuitement 100 000 exemplaires du passeport de l'orientation qui ont formé une information actualisée, post-bac, que ce soit sur la formation professionnelle, sur l'enseignement technique, les CPGE, les universités, et les conditions d'accès, les bourses. Donc c'était un support important qui était très très sollicité. Cette année, on venait nous demander le passeport parce que cette année, c'est la sixième édition de ce fameux document. Et donc, il a laissé un retentissement positif pour que les élèves dans les régions lointaines puissent avoir un support qui leur permette de réfléchir avec leurs profs, avec leur famille sur la prise de décision qui les attend et sur leur motivation aussi. Parce que quand on a un projet d'orientation en tête, quand on y croit, ça a des retombées aussi sur la motivation et sur le rendement. Merci Mustapha Fahir. Donc orientationcarrefour.ma, donc si vous voulez plus d'informations, on dit, hein, faut pas confondre vitesse et précipitation, mais de la nouveauté pour l'édition 2015-2016. Oui, l'édition édition 2015-2016, c'est le thème, ce sera l'orientation pas et palmarès, Khotwa wa Injaz. Pas et palmarès. On a déjà un scoop. Voilà. On a déjà quelque chose par rapport à l'édition 2016. Voilà. Inch'Allah, nous souhaitons améliorer cette prestation et être à la hauteur des attentes de nos jeunes. Et on sera bien sûr toujours avec vous et derrière vous, on ne vous lâche pas. Sur Carrefour, sur chaîne Inter, bien sûr. Et je reviens bien sûr au professeur Aziz Ben Salah, qui, je le rappelle, donc, est le coordonnateur de l'événement dont la finale se déroule demain, le concours international Ma Thèse en 180 secondes. On rappelle quand même le concept, docteur Ben Salah. Le concept, il est simple. Pour ceux qui viennent se brancher sur chaîne Inter. C'est bien, oui, c'est un concours c'est un concours de communication scientifique pour doctorants, c'est-à-dire des étudiants inscrits en thèse. Et le concours consiste pour eux à présenter leurs travaux de recherche en 180 secondes, c'est-à-dire seulement 3 minutes, en respectant des règles strictes et devant le grand public, pas celui des spécialistes. Voilà, et bien sûr, il y a un jury. Il y a un jury pour désigner effectivement les candidats qualifiés. Et avant de terminer, j'ai deux informations, si vous permettez. La première, c'est à l'intention du grand public. Alors, vous ne pourrez pas tous venir à la finale demain au CNRST, mais la finale viendra à vous à travers le site de Maroc Campus TV. C'est tout nouveau. En streaming. Non, pas en streaming, je ne peux pas le promettre. En différé. Ouais. En tout cas, voilà. C'est en train d'être mieux pour rattraper. Voilà. Consolation. Voilà, sera disponible dès la semaine prochaine, donc via le site, pas très exactement, le site de Maroc Campus TV. Voilà, c'est la première information. La deuxième information, c'est que l'édition 2016, Inch'Allah, le Maroc organisera la finale internationale. Ah, donc la finale se déroulera non pas à Paris cette fois, mais au Maroc. Au Maroc. Ah bah voilà. Bravo, j'ai deux scoops. J'ai fini avec deux scoops, donc je peux être content cet après-midi. Mais en tout cas, je vous remercie. Ce sont mes informations, voilà. Je vous remercie pour l'invitation. C'est moi et je vous souhaite bon courage et on croise les doigts pour les 15 candidats, les 15 doctorants merci qui, bien beaucoup. Sûr, affronteront le jury international demain pour ce concours de Ma Thèse en 180 secondes. Et on tâchera bien sûr de rester en contact pour accueillir les grands vainqueurs qui auront la chance. J'espère vous y voir demain. Mais je ne promets rien puisque ça démarre à 15h et je suis à l'antenne. Malheureusement. Mais on tâchera quand même de rester en contact et de recevoir les gagnants. Monsieur Fahir, promis d'y être. Ah bah j'espère. Voilà, je sais que c'est un homme de parole, monsieur Fahir, qui représentera donc les deux. Hein, donc Hicham et Mustapha Fahir. Voilà. Ça va. Je sais que vous avez un dernier mot, Mustapha Al-Fayyad. Oui, un dernier mot. Nous, c'est un appel que je voudrais faire aux parents, aux élèves qui viennent de passer leur baccalauréat. S'ils ont la moindre question à poser, que ce soit sur les candidatures au concours, que ce soit sur leurs problèmes psychologiques, leurs problèmes relationnels, leur stress, ils n'ont qu'à poser leurs questions. Nous répondons à ces questions. Nous avons une équipe de psychologues, de conseillers qui répondent sur le champ à leurs questions. D'accord. Le message est passé et reçu 5 donc sur 5. Toujours www.copem.ma. Voilà. Merci en tout cas, Mustapha Al-Fayyad, et on souhaite bien sûr bon courage à ceux qui repassent l'épreuve de mathématiques, donc dans le cadre des examens du baccalauréat de cette année 2015. Et bien sûr, on rappelle que nous étions en compagnie du professeur Aziz Ben Salah, coordonnateur de l'événement ou le concours international Ma Thèse en 180 secondes, dont la finale se déroule demain, vendredi 12 juin, à partir de 15h au siège du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique. Et bien sûr, pas tout le monde pourra y être. Le nombre de places est limité, mais on pourra se rattraper sur la fameuse Web TV, donc Maroc Concours TV. Maroc Campus TV. Merci, TV professeur Ben Salah. Merci à vous. Okay. Et bien sûr, merci à Mustapha Al-Fayyad, et je rappelle que le retour de l'info est prévu dans 3 minutes exactement, avec le point sur l'actualité de 17h, et que nous irons faire un petit tour du côté de Dakar, au Sénégal, pour retrouver le rappeur marocain Name qui se produit ce soir à 20h heure locale pendant la 10e édition du festival Festa. Et bien sûr, il va nous donner ses impressions en direct par téléphone. Excellente écoute et très belle fin de journée à tous. Get it on the go. Hey now,

Et puis le directeur de la communication de la FIFA, Walter De Gregorio, a démissionné aujourd'hui de son poste avec effet immédiat, alors que la Fédération internationale de football est secouée par un énorme scandale de corruption. Arrivé à la FIFA en 2011, De Gregorio quitte son poste mais interviendra comme consultant jusqu'à la fin de cette année, selon un communiqué de la FIFA. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Le prochain retour sur l'actualité à 18h, la suite toujours avec Hicham. اليوم تنقلوا غدا تحصلوا الى وجدتوا مزيان واعتمدتوا على ريوسكم قرايتكم تنفعكم اليوم في الامتحان وغدا في حياتكم وكاع اللي عندهم الامتحانات هذا العام الله يعطيكم النجاح قولوا امين قدمت لكم هذه الوصله من طرف وزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني Manal, la jeune Marakchi avec son single révélateur, tout simplement, c'est la toute dernière trouvaille, c'est la jeune protégée de DJ Van et on attend bien sûr la nouveauté et le prochain single de Manal. Merci de l'apprécier sur les ondes de chaîne Inter, c'est la dernière ligne droite pour Hello Maroc. Je vous rappelle que nous sommes encore ensemble jusqu'à 18h avec nos rendez-vous, Sakina Bouachline qu'on retrouve tout à l'heure et qui nous parle de la ville de Casablanca qui abrite la conférence du Global Development Network, la 16e et L'édition démarre aujourd'hui même, le 11 juin et jusqu'au 13. Et les détails, ça sera dans la chronique de l'environnement à 17h45 exactement. Entre le savoir-faire de l'artisanat et les jeunes talents du design marocain, on va parler de design artisanal. Et ça, c'est le sujet du journal du design à 17h30 avec Amina. Et je rappelle bien sûr qu'on ira faire un petit tour du côté du Sénégal et plus précisément à Dakar pour retrouver le rappeur marocain H-Name qui participe au festival Festa qui en est à sa 10e édition. Et Mister H-Name sera sur scène à Dakar ce soir à 20h. Il nous donnera la température tout à l'heure à 17h35 exactement. Et bien sûr, je rappelle qu'il y a l'appel à la prière du Asr, donc à 17h12 exactement cet après-midi. En attendant, nous on se retrouve juste après pour Rouler Cool avec Fairouz. On reste en musique puisque je viens de parler de Mister H-Name. Le voici avec Barry Makinch Mahamen. Excellente fin de journée à tous. والمؤمنات المؤذن ينادي لصلاة العصر حسب توقيت الرباط السلا وما جورهما الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلوم حي على الصلوم حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا نودي لصلاة العصر حسب توقيت الرباط الصلاة وما جورهما تقبل الله صلاة الجميع. Hello Maroc, le rendez-vous incontournable sur chaîne Inter pour découvrir un Maroc en mouvement. Ils sont jeunes, ils touchent à tous les domaines, de la politique à la culture, en passant par le sport, l'économie, les sciences et bien d'autres domaines. Hello Maroc, le miroir du Maroc du 21e siècle, du lundi au vendredi, entre 15h et 18h sur chaîne Inter. Allez, bien sûr, je confirme que nous sommes encore ensemble jusqu'à 18h et il est 17h15. Bien sûr, c'est l'heure de retrouver Fayrouz qui nous parle du système de freinage qui est primordial pour la sécurité d'un automobiliste. Et même s'il tombe très rarement, en panne, il peut s'user progressivement et des plaquettes de frein en mauvais état risquent d'user les disques de frein. En tout cas, le mode d'emploi tout de suite, c'est dans Roulez Cool. Bonjour à tous, dans la chronique de la prévention routière d'aujourd'hui, nous allons parler entretien des freins. Au même titre que les amortisseurs ou l'embrayage, les freins sont des éléments importants de l'automobile pour votre sécurité. Les freins doivent être en parfait état de fonctionnement pour vous garantir une réelle sécurité et parce que le code de la route l'exige. Le système de freinage comprend plusieurs éléments, dans les disques ou plaquettes ou tambours et le liquide. Il est important de ne pas rater la révision des freins et de bien lire le carnet d'entretien qui vous livre toutes les informations qui y sont relatives. Les différents symptômes de freins défectueux sont faciles à détecter si l'on est attentif au comportement de son véhicule. Pour autant, la vérification ou le changement de certaines pièces exige la possession d'un certain matériel. De plus, la garantie constructeur impose des normes qu'il faut vraiment appliquer sous peine de perdre cette garantie en cas de problème lié à une mauvaise intervention. Il est donc pour finir préférable de s'adresser à un professionnel, qu'il soit constructeur, centre auto ou réparateur automobile. We'll be right back. up when walking in the sunshine in the middle of the night. Everywhere I go, everywhere I go, I see an image of her face. She talks to me, she talks to me in a thousand ways. Everyone I know, everyone I know is calling on the telephone. Are you okay? Are you okay? Are you alright? 'Cause you're never at home. Well, I couldn't be better. I found my way. Jesus. The light left me in the dark. Hey, she left me with a broken heart. Hey, now I'm on my own. If anybody sees her, shine a light on her. Shine a light on her. Shine a light, ça c'était les McFly que vous écoutez sur chaîne Inter. On vous souhaite une très belle fin de journée. Je rappelle qu'à 17h35, on aura avec nous en direct de Dakar au Sénégal Hachneim qui participe à la 10e édition du festival Festa de H. Il est sur scène ce soir à Dakar à partir de 20h heure locale. En tout cas, nous, avant de retrouver Amina pour le journal du design, je vous propose de rester avec notre chouchou, Mr. Sam Hunt. C'est parti, à tout de suite. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your name, 'cause everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't wanna come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No, girl, I'm not a wasted. You don't know me, I don't know you, but I want to. And I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take your time. I don't wanna wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. And I know it starts with hello, and the next thing you know, you try to be nice, and some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here, 'cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long. It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your ass, told me to go to hell. Could've walked away, but you're still here, and I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your freedom. Change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't have to meet your mother. We don't have to cross that line. I don't wanna steal your colors. I just wanna take your time. I just wanna take your time. I don't wanna blow your phone up. I just wanna blow your mind. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. No, I ain't gotta call you, baby. And I ain't gotta call you mine. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. Take Your Time, magnifique chanson avec cet artiste qu'on adore sur Channel Inter. Il s'appelle Sam Hunt et qui nous mène à 17h30, l'heure de retrouver Amina pour le journal du design. Bon. Bonjour, dans le journal Design, aujourd'hui nous parlons design artisanal. Le design artisanal est un concept qui se résume facilement, il est tout l'opposé du design industriel. Le designer conçoit un objet en pensant surtout aux contraintes du procédé industriel. À l'heure actuelle, souvent la seule ébauche de l'objet est une modélisation en 3D réalisée sur ordinateur. Cet objet est ensuite reproduit par des machines en des centaines, voire milliers d'exemplaires identiques. Le design industriel vous propose un objet et qui a été reproduit de nombreuses fois par une machine qui lui a gravé un numéro de série. Et dans le design artisanal, le designer conçoit et crée ses œuvres à la main. Il n'y a pas d'automatisme de la production et la créativité trahit la main du designer artisanal. Il ne peut que s'en féliciter. Les objets sont absolument uniques et le designer est expert dans son domaine et son expérience garantit un travail de qualité souvent inimitable. Le designer artisanal a le désir de maîtriser la production de son idée du début jusqu'à la fin et il propose un objet qui a été produit en un seul et unique exemplaire qui lui a imposé sa signature. L'artisanal suggère une production souvent plus écologique. Bien avant que ce ne soit la mode dans le design industriel, le propre du designer artisanal était de concevoir l'impact écologique de l'objet qu'il crée. C'est bien souvent un souci d'écologie qui l'a poussé à choisir le design artisanal plutôt qu'industriel. À l'image des artisans d'hier, ils utilisent souvent des matières recyclées, restaurent et donnent une nouvelle vie à des objets qui autrement avaient fini aux oubliettes et leur production est souvent locale. Et leurs objets ne sont pas reproduits ou similairement fabriqués à l'autre bout de la planète. C'est pour des objets faits à la main par des êtres humains, un réel engagement de qualité. Et contrairement aux machines, l'être humain réfléchit et apprend. Il peut arrêter sa production s'il s'aperçoit d'un problème avant que 3000 exemplaires ne soient produits. Il peut également améliorer sa production en cours de fabrication, améliorer ses connaissances à chaque nouvel objet terminé. Il est dans un processus d'évolution permanente. Il suffit qu'il réfléchisse. Et en acquérant un objet créé par un designer sélectionné, vous êtes certain de faire un achat de très grande qualité. Et avec la possibilité de personnalisation, ça change tout. En achetant un objet de design, vous savez exactement qui l'a créé, façonné de ses mains. Et d'ailleurs, certains proposent des objets entièrement personnalisés. Cela n'est évidemment pas possible dans le cadre du design industriel. Par ailleurs, nombreux sont les créateurs qui travaillent sur commande. Le design industriel est confortable, fonctionnel, écologique, mais perd simplement en son aspect de multiplication, ce qui joue à l'avantage du design artisanal. Il y a de nombreux avantages que l'on attribue au design artisanal. Aujourd'hui, on s'arrache dans les halls de vente aux enchères des pièces uniques de réalisation manuelle. Le recherché est rare et unique et il vaut de l'or car manuel là encore. Allez, 17h passé de 35 minutes à l'écoute de Chaîne Inter. Et ça, c'était Jesus, He Knows Me. Et c'est bien sûr la voix de l'ancien membre des Genesis. Et j'ai nommé Mr. Phil Collins. Je vous rappelle qu'on a encore du pain sur la planche. Que dans une dizaine de minutes, on retrouve Sakina Bouachaline qui nous parle de cette 16e édition de la conférence annuelle du Global Development Network qui démarre aujourd'hui à Casablanca et jusqu'au 13 juin sous le thème l'agriculture pour une croissance durable. Défis et opportunités. Opportunité pour une nouvelle révolution verte. Et je rappelle, bien sûr, comme prévu et on vous l'a annoncé tout à l'heure, nous allons faire un petit tour en Afrique, bien sûr, du côté du Sénégal et plus précisément à Dakar pour retrouver le rappeur marocain H-Name, rappelons-le, couronné récemment au Maroc Music Awards. Il participe à la 10e édition du festival Festa de H. Et c'est avec un immense plaisir que nous l'avons en direct par téléphone de Dakar. H-Name, avec Mana encore une fois. Merci beaucoup et un petit coucou à H-Name de Dakar, du Maghreb jusqu'au Sénégal, du Rabat jusqu'à Dakar, tout simplement. Et tabarakallah alik, parce qu'on est fiers de toi, mon ami. Je rappelle que tu participes donc à ce festival, donc 10e édition, le festival Festa de H, et en même temps que tu seras demain en Mauritanie. Mais la question que tout le monde doit se poser, c'est comment H-Name s'est retrouvé à ce festival à Dakar. Oui, effectivement, en fait, l'association d'El Boulevard. Donc, je remercie déjà l'équipe d'El Boulevard Kamla, c'est Hicham Bahou. Une personne qui a la vision de la collaboration entre le Maroc ou l'Afrique subsaharienne d'une manière générale, voilà. L'Afrique centrale. Ou le fait j'avais fait auparavant le projet de l'Africano qui est une initiative personnelle, donc on s'est rapproché, où ça fait d'abord à peine une année, où je me disais qu'à part le projet, qu'il y a d'autres projets, inchallah, les Tibina al Boulevard, ils sont en train de trouver des pistes pour des collaborations, inchallah, de lourds, inchallah, on a des artistes très connus de l'Afrique, qui m'a subsaharienne ou de l'Afrique centrale. Ok, Maclick, bon, Roma, ils ont fait des connexions avec plusieurs festivals. L'idée, c'est que ils voudraient créer le réseau de festivals, et je pense que c'est très intéressant, c'est très intelligent aujourd'hui, vu qu'on parle, pour l'optimisation, les frais, les organisateurs. C'est qu'aujourd'hui, il y a un réseau de trois, c'est-à-dire les festivals, il y a le boulevard sur le Maghreb, Festa de H, Dakar, donc Sénégal, et Salam alaikum, la Mauritanie, Nouakchott. D'accord. Donc aujourd'hui, ils sont à 3, mais ils sont dans le Kenya Vision de, Inch'Allah, d'augmenter le nombre. Élargir le réseau. Dans le futur. Voilà, élargir le réseau, donc, ils sont en train de travailler sur ça. Donc l'artiste, les Radi 12, le festival, donc, d'El Casa, d'El Tremplin, d'El Boulevard, pardon, Casablanca, Radi, il me chie automatiquement le Dakar, Festa de H, ou il me chie automatiquement le Salam alaikum, Nouakchott en Mauritanie. Voilà, en fait, c'est quoi? C'est une résidence qui est d'Alice Nita Djoko. Quand c'est Djoko 1, notamment, on est à Djoko 2. Donc, j'ai participé à Djoko 1, ou Had l'Am, donc, quand une réunion en interne, ils ont décidé de maintenir le nom d'Alice Djoko 2. Mais ça n'empêche pas, Inch'Allah, pour l'année prochaine, je fais Inch'Allah d'autres artistes marocains. Les Idrou, Yannis, Djoko 3, ou Djoko 4, ou Djoko 5. Voilà. Donc, il y a un représentant, Inch'Allah, au Maghreb, Inch'Allah, il trouve le circuit. Donc, il n'y a pas que H-Name. H-Name, le démarrage de le projet. Donc, bien sûr, on va ouvrir les portes à d'autres artistes marocains. Voilà. Donc, là, c'est sûr. Le démarrage, donc, on s'est rapproché, le pouvoir, parce qu'on avait la même idée. Donc, on essaie, une fois, Inch'Allah, M. Omar Zian, bien sûr, il y a possibilité. Comme je l'ai dit, c'est un lien qui est le seul Mahtaz. Le boulevard à Casa, qui est Dakar, Sénégal, et au Kin Nouakchott, dans la perspective, Inch'Allah, d'élargir le réseau, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe. Parce que le festival de Festa de H, en fait, l'association qui s'appelle Afrique Culture Urbaine. Voilà. وهذا c'est une association qui a durement travaillé en fait d'abord la troisième à la dixième édition donc ils fêtent vraiment les 10 ans ils ont parlé à les sacrifices qu'ils ont يعني دازوا منهم المراحل وحاليا الحمد لله l'association عندها un poids où ils sont déjà يعني بحال مع الالمان داخلين مزيان مع الالمان مع la France la Belgique عاد كما قلت لك le réseau ديال l'Afrique بحال Burkina Faso Côte d'Ivoire et Guinée-Bissau. Voilà, c'est quand même un événement qui c'est quand même un événement donc Festa de H qui en est à sa 10e édition donc où là quand même un événement quand même l'envergure internationale une bonne renommée au niveau international. En fait, moi, si on va déjà sur la partie nationale, le côté national déjà. D'abord, localement, ils ont l'ampleur liée qui verra. Déjà, le festival de l'Okitlouk, qui est la chaîne télévisée, c'est la Dunia TV ou la DTV. En fait, c'est juste entre parenthèses, les livres échauffent HNN, c'est Joko 2, donc ils peuvent voir ça à partir de 20h sur DTV. Donc, c'est une chaîne télévisée sénégalaise. Où, en fait, mais effectivement, sur la vision des Indom d'abord, c'est comment rendre le festival. Plus connu à l'échelle internationale. Ça commence à le faire via les artistes étrangers qui viennent parce que le fait que je joue des artistes en bras, ça commence à parler. L'artiste de l'âme, j'ai vu des effets, ils font partie des pionniers de le hip-hop et le rap, en particulier les États-Unis. Ils jouent à de l'âme, tu vois, le circuit de Salam Aleikum, Dakar. Donc, c'est des jeunes que j'ai vraiment appréciés, c'est des jeunes qui ne dépassent pas 30 ans, vous rappelez, c'est des personnes, le Kibel Furman, de 31 ans, ou de 32 ans, gros maximum, mais c'est des gens qui, vraiment, mais je t'en le circuit de l'enfer de les 10 ans, le matériel directeur du festival, c'est une personne, quelqu'un qui est à l'Agelé, il fait des dizaines de kilomètres chaque jour, et aujourd'hui, il a un budget assez important à gérer. Donc, je salue, le Sénégal, c'est un point qui est très important. Voir la solidarité. Voilà. C'est que, avec la solidarité, on peut atteindre les objectifs malgré les problèmes, parce que là, ça dure dans le temps, ça casse pas. Qu'on a l'endurance. Et j'aimerais bien, l'esprit que j'aimerais, le message que je voudrais passer à la jeunesse marocaine, c'est la solidarité chez Hajjali Mohim. Mais africaine, puisqu'on parle du continent. Voilà, c'est solidarité marocaine et africaine aussi. Effectivement. Quand on parle, d'une manière générale, c'est un point qui est très important parce qu'avec la qualité AD, tu peux surdépasser tous les problèmes ou les obstacles qui Et je crois que ça a bien démarré. Je crois que ça a bien démarré. Déjà, le fait que tu sois là-bas sur place et que ce soit donc le point de départ, le festival, donc le boulevard à Casablanca pour que tu te retrouves à Dakar puis à Nouakchott donc en Mauritanie donc déjà on parle de solidarité entre les artistes de la culture hip-hop de la culture urbaine africaine donc ça c'est très important un grand pas en avant et j'en profite aussi pour rappeler que tu seras donc sur scène ce soir à la Maison de la Culture donc à 20h heure locale donc on rappelle que on a une heure d'avance donc pour ceux qui veulent suivre l'événement ce soir sur le web ou là sur la télé et en même temps, donc, j'en profite aussi pour rappeler HNM que tu n'as pas perdu ton temps. Tu en as profité pour filmer et shooter le vidéoclip de la prochaine chanson, si j'ai bien compris. Effectivement. En fait, effectivement, le fait analogique, on a tourné juste avant hier. Je remercie beaucoup le boulevard parce qu'il a fait un geste que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il a pris en charge le réalisateur du clip. Excellent. Sachant qu'au début, un électrodimpulsé et eux, ils ont fait le geste en collaboration, comme j'avais dit, avec les directeurs des autres festivals. Donc je le remercie beaucoup. Le boulevard, en fait, il fait un grand travail. Et il le fait d'une manière, tu vois, le silence total, où j'aimerais bien souligner sur le point, c'est que le boulevard, une fois qu'on a un bon projet, il est là pour soutenir. Sans trop de bruit, voilà. Voilà, sans trop de bruit, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Alhamdoulilah, dès le tournage, les gens, là, ils étaient, ça, un esprit qui m'a créé de solidarité. Je demande un truc, ils disent, ah oui, c'est bon, vous êtes le chef. Vous êtes le chef, vous voulez ça, à quelle heure ça va se faire? Et effectivement, donc, j'ai trouvé tout, alhamdoulilah, tout ce que j'avais demandé, avec les moyens, les canaux disponibles, ils ont pu faire un chien. Alhamdoulilah, dès le chef, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, alhamdoulilah, la musique marocaine, elle peut être, commercialisée, exportée à l'international. C'est que, alhamdoulilah, la musique, ils ont dansé, avec le rythme. Voilà. Donc, ça donne, le fait que vous avez déjà validé, c'est un premier pas. Parce que, voilà, c'est déjà un premier pas, parce que déjà faire un rythme, des rythmes, africains, avec des rythmes marocains. Donc, inchallah, le clip Radio Khorosh juste après Ramadan. Inchallah. Donc, là, on est près de 60% de le tournage. On va rentrer au Maroc, inchallah, très bientôt pour continuer. Ou, l'idée, c'est ça. C'est, inchallah, un titre, les rabbis, je peux te balancer déjà le titre. Ah, d'accord. C'est Washrak Nasht. Washrak Nasht, Allah, khaira Nasht, dima Nasht. Alhamdulillah, khaira. Voilà, effectivement. C'est un titre qui donne envie, tu vois, à la vie, la continuité, l'espoir et tout positive ça. Voilà. Attitude, attends, tout simplement. Positive attitude. Voilà. Je te remercie, Ashnaïm. Je rappelle que tu es en direct avec nous sur chaîne Inter et en direct depuis Dakar au Sénégal et qu'il n'a pas chômé, bien sûr. Il a la scène ce soir à 20h, plus précisément à la Maison de la Culture d'Outasek à Dakar. Et en même temps, il a shooté les images de son prochain single qu'il compte dévoiler. Donc après Ramadan, on se fera le plaisir de recevoir Ashnaïm. Et j'en profite aussi pour rappeler que tu ne t'arrêtes pas là, que demain tu pars vers Nouakchott pour participer au festival Salam Alaikum, Ashnaïm. Effectivement, Inch'Allah. Donc, il m'a dit que le show, Inch'Allah. Donc, demain, Inch'Allah, c'est la fin de la journée, donc destination la Mauritanie. Donc, c'est pas une grande distance, l'avion, ça prend 1h15. Pour Inch'Allah, samedi, on va jouer, Inch'Allah, Tumbek. Dans le cadre qui m'expliquera de la collaboration entre le festival. Voilà, donc l'objectif, alhamdoulilah, c'est donner une bonne impression, une bonne image à le Maghrib, parce que à un certain moment, quand c'est pas une certaine rupture, donc mais aujourd'hui, il commence à savoir que qu'il y a le musique au Maghrib et qu'il y a besoin, j'ai besoin parce que quand on a le Scott Institute, c'est pas l'égalité de CCF français, c'est là qui soutient le festival des Festivals de l'âge. Donc, on avait pris la parole, chaque pays. Donc, ça, alhamdoulilah, donc on a essayé de dire qu'on est là, le Maroc, il est là, il est présent. Et ça, la qu'on soit là. On est fiers de toi. Pour eux, le Maroc, il fait partie, gagner de l'Afrique, ou, le Maroc, alhamdoulilah, avec le retour d'expérience d'Abel Likain, avec le Maghreb, Zamala Chakafé, le Maghreb, c'est un leader, il guide l'Afrique. Voilà ce que je dis, donc, on espère, Inch'Allah, côté musical, qu'on est ouvert à l'Afrique, parce qu'ils ont c'est nos racines de toute façon, et c'est comme ça, on se retrouve là-dedans. Merci beaucoup, Ashnaïm. Je te remercie énormément de nous avoir consacré ces quelques minutes. On est fiers de toi. Bon courage pour la scène de ce soir à 20h à Dakar au Sénégal. Dibal Mghrib, bien sûr, Hadar Sénégal, Hadar Efraqi, Hadar Dafnouakchott à travers Ashnaïm. Donc je te souhaite bon courage et à très très vite, mon ami Ashnaïm. Salut, mon ami. Ciao, ciao. Allez, 17h passées de 48 minutes, puisqu'on parle de Ashnaïm. On va bien se rouler quelques secondes avec ce duo Bari Ashnaïm hashtag ما كاينش معامل Ça c'était Barry avec Ashneim. On ne perd pas de temps et on enchaîne tout de suite avec Sakina Bouachrine et la chronique de l'environnement. Bonsoir à vous tous, chers auditeurs de chaîne Inter. Coup d'envoi aujourd'hui à Casablanca de la 16e conférence annuelle du Global Development Network sous le thème « L'agriculture pour une croissance durable, défis et opportunités pour une nouvelle révolution verte ». Pendant 3 jours, chercheurs, étudiants, décideurs politiques du monde entier partageront leurs travaux de recherche et discuteront des défis les plus pressants sur les questions de développement durable. La 16e conférence annuelle du Global Development Network est organisée notamment en partenariat avec le support de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et du Centre de recherche pour le développement international. Cet événement phare, qui se tient chaque année dans un pays différent à travers le monde, permet de connecter tous les chercheurs et les étudiants des pays en développement, avec notamment les chercheurs les plus influents au niveau mondial, mais aussi avec les bailleurs de fonds, les chefs d'entreprise et les responsables politiques de tout horizon. Et la particularité de cette conférence, c'est que c'est un lieu de rencontre au sein duquel les chercheurs peuvent interagir. À la lumière des défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels font face les systèmes agricoles et alimentaires, cette conférence sera l'occasion de mieux comprendre la nature, le rôle et les perspectives d'avenir du développement agricole dans le cadre de l'agenda global pour le développement post-2015 et du nouvel accord mondial sur le climat. Ce sujet principal de la conférence englobe des questions transversales et chacune fait appel à diverses approches disciplinaires ainsi qu'à des comparaisons entre pays. Plusieurs sous-thèmes sont prévus durant ce rendez-vous d'importance, notamment la sécurité alimentaire, les défis environnementaux et la gestion des ressources naturelles, l'impact du processus de développement agricole sur transformation économique, sociale et politique, et enfin les outils financiers et technologiques pour une nouvelle révolution verte. Le programme de cette conférence est construit sur la base d'un appel à session et articles. Les meilleures contributions à la recherche seront récompensées dans le cadre du prix 2015. De jeunes Marocains ont été d'ailleurs sélectionnés à travers ces différentes compétitions, que ce soit par l'appel à contribution ou par le concours d'essai. Ils contribueront donc à la réussite de cette conférence en présentant leurs travaux de recherche. Ce sera aussi l'occasion pour de jeunes étudiants de la région MENA de présenter aussi leurs idées sur les stratégies pour le développement rural et d'ailleurs dans tous les pays du monde. Toute stratégie nationale de développement durable est basée sur 9 défis. Une consommation et une production durable, une société de connaissances, une bonne gouvernance, un transport et une mobilité durable, une conservation et une gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles, une santé publique performante avec prévention et gestion des risques, une démographie conséquente et des défis internationaux en matière de développement durable. Pour relever ces défis, il faut forcément passer par la protection de l'environnement et d'une agriculture verte ouverte à tous les pays du monde pour bannir toute forme de pauvreté à l'échelle internationale. Merci à vous tous de considérer la protection de l'environnement une priorité et très belle soirée à l'écoute de Chaîne Inter. Allez, 5 minutes encore à passer ensemble jusqu'à 18h. Et bien sûr, je rappelle qu'il y a le retour de l'info avec le point sur l'actualité. Et juste après, c'est Tifa qui prend le relais avec le Café Culture. Elle vous tient compagnie jusqu'à 20h. Et n'oublions pas que le direct sur chaîne Inter se poursuit jusqu'à 23h. La libre antenne, ça, c'est l'affaire de Fairouz Bental qui vous tient compagnie, bien sûr, entre 20 et 23h. Et je rappelle que vous pouvez participer à la libre antenne en composant le 05 37 20 44 73 pour choisir votre morceau, faire votre dédicace, donner votre avis sur le thème et le sujet de la soirée. Sans oublier bien sûr de remercier l'équipe qui m'a accompagné ces 3 heures. Comme d'habitude, The Monster en face de moi, merci à toi Mister Moneim, El Ghenouni, le gardien de la console. Je remercie aussi Leila Azizi à la réalisation et bien sûr, n'oublions pas notre stagiaire Holly Alarizi que je remercie énormément. Et bien sûr, vous de votre fidélité. Et n'oubliez pas d'être au rendez-vous demain, 15h-18h. On finit avec celui qui nous attend depuis tout à l'heure, Mister Kid Rock, avec Born Free, du bon pop country pour finir en beauté. Et surtout, restez avec nous dans quelques instants, le point sur l'actualité de 18h. Excellente écoute à tous et excellente soirée sur chaîne Inter. Fast on a rough road, riding high through the mountains, climbing, twisting, turning further from my home. Young like a new moon, rising fierce through the rain and lightning, wandering out into this great unknown. And I don't want no one to cry, but tell them if I don't survive. River raging strong.